Sur le noir clair des vagues, la nuit souffle un vent froid, caresse un autre monde qui scintille tout là-bas. 30 petits kilomètres, la largeur d'un détroit, un sombre écran liquide, Tanger Tarifa. Un rafio qui dérive dans cette confluence, est-ce une panne inquiétante ou la peur des patrouilles? Les hoquets du moteur ont fait place au silence, 50 personnes à bord, envahies par la trouille. Sur le paradis, choisi parmi les morts, ceux qui resteront en vie. La surface des flots scrutée au projecteur, un revolver qui luit dans les mains du passeur. L'eau brune saute à la gorge de corps déjà transis, les cris dans la houle de noyés en sursis. Fourmis mal en point, assiège un éléphant. Parmi les assaillants, des femmes et des enfants. Une armée de pauvres types presque à paix d'un naufrage, au pied d'une forteresse, à gare sur le rivage. Saint-Pierre, qui ôte son mirador, veille sur le paradis, choisi parmi les morts. Ceux qui resteront en vie. Sous l'œil des caméras, les gardes-côtes s'affairent. Un assaut repoussé, des corps flottent sur la mer. Les flux sont maîtrisés, on ne peut qu'être fier. Distribution de vivres, action humanitaire. Ces gens ont vocation à retourner chez eux. Retourner chez eux. Cette phrase ne veut rien dire, mais on ferme les yeux. Peut-être les plus heureux seront nos sans-papiers. Ils travailleront dans l'ombre de principes oubliés. Saint-Pierre, du haut de son mirador, veille sur le paradis.